aura des jours meilleurs, mais nous vivrons la nuit. Il y aura de la lumière au bout du tunnel, mais tant pis. On nous promettra la lune, mais nous chercherons le soleil. On nous promettra le soleil, mais nous vivrons la nuit. Nous avons visé les bancs de la faculté d'attraction, appris à faire sans avenir et sans joie. Nous avons chassé des trésors d'imagination pour faire exister le présent. Alors leur futur attendra. Nous avons usé les bancs de la faculté d'abstraction, appris à faire sans s'avenir et sans joie. Nous avons chassé des trésors d'imagination pour faire exister le présent. Alors leur futur attendra. Nous avons usé les bancs de la faculté d'abstraction, appris à faire sans s'avenir et sans joie. Nous avons chassé des trésors d'imagination pour faire exister le présent. Alors leur futur attendra. Leur futur attendra. Seront souriants, mais nous ne compterons plus. Le ciel sera clément, mais nous ne le verrons plus. On nous dira, n'ayez pas peur, mais nous n'écouterons pas. Il y aura des jours meilleurs, mais la nuit ne suffira. Nous avons usé les bancs de la faculté d'attraction, appris à faire sans avenir et sans joie. Nous avons chassé des trésors d'imagination pour faire exister le présent. Alors leur futur attendra. Nous avons usé les bancs de la faculté d'abstraction, appris à faire sans s'avenir et sans joie. Nous avons chassé des trésors d'imagination pour faire exister le présent. Alors leur futur attendra. Nous avons usé les bancs sans avenir et sans joie. Nous avons chassé des trésors d'imagination pour faire exister le présent. Alors leur futur attendra. Leur futur attendra. Imagination pour faire exister le présent. Alors leur futur.